Hein? Alors, vas-y. Hein? Il reste quelques centaines de mètres, on va dire, hein, quelques kilomètres comme ça par rapport à Schengen. Et vas-y, hein, le point de départ Schengen, et puis hop, destination Lampedusa, en fait. Et comme ça, tu rentres à la tête haute. Parce que le problème, c'est que je vais rentrer, mais avec quel visage, hein? Faites pas au pays. J'ai fait tout ça pour ça. C'est la honte, c'est pas la peur. Oui, c'est la honte, mais c'est la honte, c'est la peur, et la peur n'est toujours pas. Parce qu'ils entendent parler que c'est ça aussi, il y a des flics parmi eux, il y a patati, patata. C'est ce qu'on a vu ces dernières semaines, ça. Des jeunes ont été tapassés, moi je suis journaliste parmi eux, et en plus, je l'ai violé dans un commissariat de police. Voilà. Ce qui fait peur aux gens. Oui. Parce que après, bien sûr, plus en complément. Après d'avoir réalisé, je trouvais que les Tunisiens n'avaient plus peur. Les deux mois qui ont suivi le 14 janvier. Après, il y a eu on commence à parler politique, on trouve qu'on n'est pas d'accord sur tout. Mais les deux mois qui ont suivi le 14 janvier en Tunisie, les gens n'avaient plus peur. Donc, c'était vraiment un moment où... est-ce que ça, la peur n'est pas revenue maintenant, avec le débat politique qui existe. Non, mais il n'y a pas de baguette magique. C'est-à-dire que comme ça, la peur, le jour au lendemain, c'est la peur. Une société, elle est utile, c'est ce que je veux dire. Il y a un documentaire du jour, vous pouvez confirmer ce que je veux dire, sur le traitement de l'information par les journalistes tunisiens. Et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait, c'est des. Si j'ai bien compris, c'était de toute façon l'orientation du documentaire, de l'enquête, c'est qu'ils nous ont. En fait, les témoignages des journalistes tunisiens, c'était que voilà, on nous a habitués à. Parenthèse, à ne rien dire pendant 20 ans, et en fait on a une liberté, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment traiter l'information dans un régime démocratique. C'est-à-dire, quand vous dites, c'est beaucoup plus lourd que ça, en fait, c'est pas parce qu'on a la liberté de parole qu'on a obligatoirement les réflexes qui vont arriver. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que la peur, il y a aussi le réflexe. Le réflexe par le droit, le Algérie, je pense, c'est quand on parlait de l'état d'urgence. On a la levée de l'état d'urgence. Je trouve que ça, bon, symboliquement, c'est bien, mais en réalité, je suis désolé, le policier, le citoyen algérien, a tout le temps peur du policier. Et puis, le policier ou bien le militaire, il impose, enfin, il a ce réflexe. D'ailleurs, il y a beaucoup de policiers algériens quand ils viennent. J'ai un ticket qui travaille dans un hôtel, il a reçu un policier algérien, il a senti que c'était un Algérien, il voulait lui faire le moral. Ouais, oui, c'est incroyable, mais chez nous, les Algériens, malheureusement. Je suis pas d'accord à 100% avec Samuel tout à l'heure quand il a parlé de peur. C'est en fait pour moi, la peur n'est pas aussi ancrée que ça dans la société. La peur, en fait, moi je vais souvent en Algérie, je vais dans des cafés très populaires, faut pas que vous n'y allez pas vous, en fait, pas pour dire ça. Mais en fait, je vais souvent discuter avec des gens qui disent des énormités sur tout et n'importe quoi, sur votre flair, pas les généraux, les magouilles, les ministres et tout. Mais le truc, c'est qu'en Algérie, il ne faut pas que ça dépasse plus d'un rassemblement de 10 personnes. Si ça va au-delà de 10 personnes, on devient une menace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une association, un parti politique, une marche. Mais dès que c'est individuel, la sphère privée, mais aussi même dans un endroit public, mais en fait, dès que c'est limité, ça ne les touche pas. Parce qu'ils savent, en fait, le mur de la peur a été cassé, mais partiellement. Voilà. Le pouvoir algérien est très. C'est machiavélique. Hein. Il sait que les Algériens, c'est des têtes brûlées, parce que tu vois, vu notre histoire, etc. Il dit que si je leur coupe la parole. Il y a des soupapes de sécurité. Il y a des soupapes de la soupape. Si je parle d'Ila, c'est des soupapes. Que sur Internet, excusez-moi d'insister, 90%, 99% des intervenants sur les sujets politiques, bien sûr, tu peux toujours parler de ce que tu veux, le foot et tout le travail, il n'y a pas de problème. Mais sur les sujets politiques, les gens sont anonymes. Moi personnellement, j'affiche pas. Enfin, les gens sont anonymes. J'ai appris par exemple le tour quand on va à l'Assemblée. Je fais par moment des enregistrements, ben tu les as vus, mais en fait, j'affiche pas mon visage, juste, c'est pas par peur, en fait. Ça, je parle de mon expérience, mais je parle de moi. Comme argument, moi, il me semble qu'il n'est pas valable. C'est-à-dire que ça, c'est un cas, on peut toujours, il y a des gens, ils m'ont dit, c'est pour des raisons professionnelles, je fais mon visage, et des choses comme ça. Mais moi, je sais que quand on intervient sur le sujet politique, politique. Essayez de prononcer le mot DRS, des services de renseignement algériens sur une vidéo à tête découverte, ben les gens, ils hallucinent. Comment le gars, il ne s'est pas caché. Lui-même, c'est sûrement quelqu'un qui peut absolument. Moi, on a dépassé ça parce que les gens ont peur. Mais entre nous, en fait, l'État, il est dépassé, il ne peut pas gérer tout ça. C'est pas possible. Le... Ça, Moi, j'écoutais ce qu'on disait par rapport à la peur, au nuance de la peur, etc. Moi, je pense qu'on vit des situations très différentes, que ce soit en Tunisie, par exemple, sur le contexte de la répression, de la terreur et de la peur, et de ce qui se passe en Algérie. En Algérie, pourquoi ? Après, c'est peut-être une spécification de la population ou pas. Moi, le débat enflammé en Algérie, je les ai tout le temps connus. Terrorisme, pas terrorisme, je les ai tout le temps connus. Après, il y avait des endroits où on les connaissait et des endroits où on ne les connaissait pas. Ça veut dire qu'il y avait des terrasses tout à fait populaires. Et même débat peut-être en plein cœur du centre-ville, par contre, il y avait pire avant du coin, il y avait des débats endiablés, pire que dans n'importe quelle assemblée à tout tirer. La réalité, c'est que le peuple algérien aujourd'hui, il n'a pas de modèle, il n'a pas de repère. C'est que dans son opposition politique, il se réfère pas à la France parce qu'il sait très bien que l'Algérie, c'est pas la France. C'est pas aussi feutré au milieu de la politique en Algérie que ça l'est en France. En France, aujourd'hui, on voit bien avec toutes les affaires qui sortent, c'est aussi pourri qu'en Algérie, c'est aussi corrompu qu'en Algérie. C'est pire, c'est même des démocraties pires qu'en Algérie. Ils détournent des milliards. Les États-Unis, c'est 14 000 milliards de déficits qui disparaissent dans la nature. C'est bon, c'est parti. L'Algérien, il a une spécificité dans sa tête. Il croit que ce qui se passe en Algérie et le malheur qui lui arrive, c'est le fruit d'un diable qui est le plus dur des diables du monde. Mais ça, c'est propre à l'Algérien, qui croit que à chaque fois, le mal qui l'incombe, c'est le plus grand mal du monde. Les mots de la société algérienne, aujourd'hui, c'est les mots des autres sociétés. Si c'est comme l'Algérie... En parallèle, on peut comparer... Ce que je veux dire, c'est qu'en Algérie... Les gens sont pourris de... En Algérie, voilà. En Algérie, il n'y a pas de mode de référence. Il y a une économie qui roule, tu gagnes le SMIC plus ou moins, tu peux... C'est vrai que c'est difficile. En Algérie, il n'y a pas. Non, on est d'accord. Parce que tu tiens le temps, on les fleurs, tu peux le faire. En Algérie, tu peux pas. On est d'accord. Le problème du SMIC en Algérie, le problème du SMIC en Chine, c'est même pas parce qu'il y a le vote populaire en Chine, il faut savoir que la pression est très forte. Alors les Chines, c'est pas une question. Actuellement, la démocratie, c'est pas le droit. La répression qui est en Chine, c'est très très fort également aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que le peuple algérien, à un moment donné, il a une perte de repères par rapport à Internet. Il avait le malheur que l'infrastructure soit très contrôlée par le pouvoir algérien. Aujourd'hui, la réalité du peuple algérien, c'est qu'il y a une jeunesse qui boue. Moi, quand on me dit la peur, je suis mitigé. Je me dis, c'est vrai qu'ils ont peur. Mais je me dis que quand je vois les jeunes, quand je vois les images sur les vidéos des jeunes, moi je dis que c'est de l'inconscience, c'est même plus question de peur. C'est que c'est aujourd'hui, ils ont peur. Tu vois, la confiance, c'est que c'est de la peur. Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas ça. C'est pas ça. Non, il dépasse la peur, soit si sur des réalités, des émissions, ça change. Mais moi, quand tu vois, j'ai pas mal d'émissions, même ne serait-ce que dans le match Algérie-Égypte, là, où ils sortaient, ils arrachaient tout sur la route. Même quand je voyais les manifestations, moi, c'était pas comme ça. Moi, je joue au foot dans des quartiers populaires à Alger. Je peux vous dire que les jeunes, la plupart, ils ne savent pas ce que c'est qu'on tape 88, parce que 88, ils n'étaient pas nés. Ou ils avaient 45 ans. Il y en a beaucoup, non? Non, mais je veux dire, la répression, ce qui a traumatisé le peuple algérien, c'est passé en 88, ça tirait dans la foule. Juste, ça tirait dans la foule. Et aujourd'hui, cette génération-là, elle n'a pas connu ça. Mais je pose une question. Ce que je suis en train de dire, c'est que, est-ce que cette peur, justement, c'est pas le résidu de ce que le système algérien a vendu à la population algérienne pendant 50 ans. Et à mon avis, une mauvaise perception de la jeunesse algérienne, parce que quand je vois les réactions, même si c'est vrai, il y a cette culture du pseudo, du machin, etc., mais quand on voit ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui dans les rassemblements, moi, ça sert pas, c'est pas une peur. À mon sens, c'est pas révélateur. Les mouvements de masse, on a vu sur Facebook justement des gens qui filment des situations pendant les manifestations qui sont hallucinantes. Hallucinantes, effectivement. Quand tu vois un jeune pied nu, c'est une photo qui m'aura marqué. Une claquette, ma vie. Une claquette et le gars. Alors que quand il y a les CRS qui chargent, les gens ils courent dans l'autre sens. Bah non, lui, le petit jeune, il court dans le sens des CRS. Il était pieds nus, il court dans le truc. le sol était plein de verre et tout, ils couraient comme ça, pieds nus, ils foncent. Mais là, on est effectivement en plein manif, et d'un coup, il se passe des choses. On en a vu aussi, je pense, en Tunisie ou en Égypte, des cas de violence, d'accidents pendant les manifs, des gens sur qui les véhicules de flics passent. Il y a des accidents qui se passent. Pendant le manif, c'est très violent et du coup, il se passe des choses très violentes. Et je pense que quand on voit ces gens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur. Au contraire, ça, c'est la preuve qu'il y a une peur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand ça explose, tout ce qu'on a cumulé, tout ce qu'on a retenu comme frustration ou envie de dire. Je crois que c'est désespoir. C'est vraiment arrivé à ces jeunes-là, ils sont vraiment dans le désespoir et dans la détresse. Absolument. Et qu'un jour ou l'autre, par contre, en ce qui concerne s'exprimer normalement sur les réseaux sociaux, Internet, comme le font les jeunes Français, Américains, Anglais et puis tous les jeunes du monde, quand ils veulent s'exprimer sur un sujet, ils ne se cachent pas. Par contre, les Algériens, ils se cachent. Et quand on se cache, je pense que, à mon avis, à mon sens, on va pas faire une spéculation, excuse-moi, on va pas faire une spéculation psycho, je ne sais pas quoi, là, pour trouver des raisons. En fait, c'est très simple. Les gens, ils risquent leur peau. C'est-à-dire que quand les Algériens, ils savent ce que c'est que se faire embarquer par les renseignements algériens, tu vois. Ils savent ce que c'est que se faire torturer dans des casernes de Black Moon. Je crois que tu connais ça. Ouais. Ils savent ce que c'est, tu vois. Et du coup, cette peur-là, elle est là, tu vois. Les gens, ils ont peur. Est-ce que les gens n'ont pas peur de manquer de solidarité des autres? Est-ce que les gens en Algérie ne culpabilisent pas un peu? Après, ils se disent qu'on a mal voté. En fait, on a eu la démocratie en 90. Alors, nous, notre démocratie, mais il y a eu la démocratie des urnes. Et le fils a gagné. Et après le fils, il y a eu ce qui s'est passé en Algérie. Est-ce que les gens ne culpabilisent pas un peu après ça? Ça a dû jouer aussi. Ils se disent qu'on a mal voté en fait. Les gens, Moi, je crois que c'est la désillusion du politique, tout simplement. Tout à l'heure, il a parlé de repères et surtout de repères politiques. On va dire ce qui est frappant au client, c'est qu'en fait, il y a un vide dans le sens où, on va parler plus, peut-être les Algériens qui sont dans cette assemblée ne se sentent pas représentés par n'importe quel homme politique. Et ça, je rencontre souvent des gens, des Algériens qui se sentent représentés, mais pas dans aucune personne, dans aucun courant, dans. Voilà. L'abstention, ou 70%. Donc il y a l'abstention qui joue, il y a cette désillusion du politique suite au terrorisme et tout. Ceci dit, c'est pas que les gens se désintéressent de leur devenir ou de leur futur, c'est juste que voilà, c'est un fait. Laissons les choses se construire, la société qu'elle aille à son rythme, ça va changer tôt ou tard. C'est une question de temps, c'est une question de structuration de la pensée politique, on est un peu loin de ça. La semaine dernière, on a eu l'interview de très malheureux d'un ex-président de la République, il m'a regardé pour ne pas le nommer, en fait, il parle de trucs, de ragots. Moi je me dis à un président de la République qui est à ce niveau-là, c'est très malheureux pour l'Algérie. C'est pas pour le critiquer, mais juste pour vous donner un exemple. Ça ne veut pas très très. Ce qui fait que c'est pas clair. En fait, moi je trouve que, sincèrement, et ça je le pense, que le peuple algérien mérite beaucoup plus, beaucoup mieux que cette classe qui est là. On est sur l'Algérie, émerger les nouveaux politiques qui seraient déjà sur l'Algérie. Moi j'ai envie de dire, si vous permettez, juste sur le sujet, il me semble que c'est les réseaux sociaux, les nouveaux langages, etc. Il me semble qu'il y a une fracture en fait entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qu'on retrouve en fait sur les réseaux sociaux. C'est maximum 25 ans ou 30 ans maximum qui sont a priori en rupture avec l'ancienne génération, y compris, j'allais dire la mienne, c'est-à-dire la quarantaine, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui étaient jeunes pendant les années 90, ils ont été formés dans une ambiance qui était très particulière, celle des attentats, de la violence, de la guerre au terrorisme et tout le bagage là qui va avec, c'est-à-dire qu'on nous a vendu tout un discours et tout ça. Il me semble que maintenant arrivent des jeunes qui, grâce à Internet, parce que s'il n'y avait pas Internet, je pense qu'on n'aurait jamais eu l'accès à ces jeunes, il serait probablement cantonné dans des stades de foot. Puis en sortant du stade de foot, il casse tout dans le coin et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on les aurait cantonnés. Par contre, grâce à Internet et au réseau, on a accès à ces jeunes qui viennent effectivement avec un nouveau discours, un discours d'abord en rupture avec l'ancienne génération, y compris la génération juste avant eux. Je ne parle même pas de la génération de Ahmed Mbla, il a 95 ans, du coup lui, il est complètement mais il est représentatif de la classe politique. Ben, je sais, ils ont plus de 70 ans et là, il a juste absolument. Quand vous parlez de il y a une rupture par rapport aux activistes politiques, aux militants politiques des années 90, dans lesquels les jeunes ne se connaissent pas. Bon, tout simple. Maintenant, les jeunes, ils viennent avec un nouveau discours, ils ont des exigences. Un nouveau discours, c'est-à-dire les solutions que nous proposent les anciens ne sont pas valables, ne correspondent pas à notre réalité. Tout le monde sait. Quelles sont les nôtres? Ils en ont les jeunes. Ils en ont. Quels sont les leurs? Moi je dis, Facebook est un bon exemple. Ça, on retrouve sur les pages des jeunes comme les envoyés spéciaux qui, eux, ont une démarche quand même journalistique, journalisme citoyen et travail, mais il y a une démarche journalistique. Par contre, il y a une tonne d'autres pages dans lesquelles les jeunes développent des projets de société, des mécanismes pour y arriver, etc. Plein de pages avec des discours qui sont consistants. Moi, j'ai toujours été très satisfait par le niveau de conscience de ces jeunes. Ils sont conscients des enjeux, ils veulent dépasser les pièges dans lesquels sont tombés les anciens. Les anciens, ils continuent à se bagarrer, un peu comme on essaie de l'imposer en Tunisie actuellement, c'est islamiste contre idéologique et tout. Ces jeunes, ils veulent dépasser ça. Ils veulent construire une société dans laquelle tout le monde est représenté, avec des droits. Ça, c'est en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, ce montage un peu artificiel, justement, des intégristes, ça compte, c'est pour cacher la dynamique de fond. C'est-à-dire que Bembembe, en fait, il n'est pas représentatif de la classe politique algérienne, il est représentatif, en fait, de la classe politique arabe. Hein, il y a un élément de l'Afrique et l'Al-Khalij. Une autre classe, j'avais parlé en arabe, tu vois, reprenons en français. Pour dire qu'il y a, il faudrait se poser absolument la question, en fait, qu'est-ce qui fait et la démission de Slima Ahmed, justement, il a démissionné hier, justement, après la fermeture de 4 sites internet. Et les 4 sites internet demandés par l'armée. C'est-à-dire que la police, elle peut bien disparaître de la place publique, sauf que le monopole en fait, de la violence est toujours là. Et il est incarné par le corps le plus armé, l'armée elle-même, en fait, qui est là. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et qui décide? On peut dire, imagine, tu vois, pour comprendre la situation française, en fait, à Carthage, Bembembe, en fait, qui décide du 24 juillet, par exemple, comme date de l'élection de l'Assemblée constituante. Là, les jeunes, justement, sont appelés à dire leur mot. Sauf que les jeunes, en question, pendant cette période-là, c'est une période là où ils ont des examens. Ça veut dire qu'ils ont la tête ailleurs, ils ne pensent pas à l'élection, en fait, des représentants à l'Assemblée constituante. Celle qui va, justement, choisir un avenir pour le pays. Ça veut dire qu'ils ont le courant alternatif est coupé. L'alternative, elle est là, mais le courant est coupé. Voilà la problématique. Et voilà, ils détiennent toujours le pouvoir. Mais quand tu sais qu'il y a l'un de vos contre Washington, un document Washington d'Obama, en fait, pour avorter l'un de ses l'élan révolutionnaire, en fait, la finance en Égypte, hein, tu comprends mieux comment est-ce que, enfin, voilà, par exemple, le Pentagone est en train de nous en fait, construire, comme ça, de toutes pièces, un Pakistan. Le modèle, le problème, c'est le grand problème, c'est qu'il faudrait justement une déconnexion, en fait, avec justement cette. Ce tropisme un peu de modèle, c'est-à-dire chercher toujours des modèles. Là, aujourd'hui, tu sais, le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est le modèle turc. Alors qu'en fait, sous couvert du modèle turc, l'Amérique est en train de préparer un modèle pakistanais, en Égypte. C'est le modèle pakistanais. Ça veut dire que l'armée qui tire, en fait, les ficelles, derrière, en fait, le rideau, et on met, en fait, quelques mètres, derrière, en fait, devant, comme ça. Et c'est le futur aussi. Et l'Amérique, c'est un peu l'instant à la célébrer. Il est déjà là. en fait, hein, et toute l'armée algérienne, elle est sur la frontière en fait, avec la Libye. Imagine un peu le chaos, en fait, hein, comme ça, madame. C'est une véritable déstabilisation. Et qui dirige tout ça? C'est l'Africom. L'Africom, le commandement armé en fait, américain, qui est là, en fait, au commande. Et tu penses, tu parles de l'émission, je veux dire, appeler si tu veux tout ce que tu veux. On ne fait pas de l'émission, mais sauf, il faudrait choisir le mieux juste, en fait, hein, pour ce qui se passe réellement. Vous n'avez pas le temps, parce que non, vous n'avez pas le temps. Vous êtes en train de marcher. Ça va marcher, non, il y a l'expérience du temps, pas l'expérience du temps, il y a des temps. Tu es en train de marcher de quoi? Si tu parles de l'Égypte avec l'État, avec l'armée, l'Égypte, vous voyez qu'il est parti quand? Février, c'est-à-dire ils ont. C'est quoi l'histoire d'un peuple? 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, mais 5 ans désormais. Parce que l'Algérie, si tu parles, tu parles de l'Algérie, quand tu dis Ahmed Ben Bella, il devient un symbole, parce qu'il passe des pas pour devenir quelqu'un symbole. Pour ça, c'est difficile qu'on arrête les temps pour parler. Parce que je crois toujours, l'histoire de la Palestine, il n'est pas arrêté. Parce que encore, je ne sais pas les choses, comment il va arriver, comment les choses vont avancer, où on va, qui est les jeunes avec, qu'est-ce qu'ils m'adonnent des choses, les amis ici aujourd'hui, ça veut dire que tous ces savoirs qui changent la vie, ils changent la façon de dire, ils changent aussi qui marchent. Et les choses marchent, elles marchent toujours. Ça marche de l'histoire, on est d'accord, sauf qu'il y a des contre, mais il y a un énorme histoire, et puis il y a une contre-révolution, il y a de la marche aussi, donc on ne peut pas faire l'abstraction, les Palestiniens le premier, c'est-à-dire voilà. Excusez-moi, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15, on est 8h15,